sur ses jantes, abandonné. Deux de ses roues sont voilées. Sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Une Chrysler. Une Chrysler rose. Une Chrysler que j'ai au fond de la cause. Chrysler rouillée. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. D'un doigt dans la bile, dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que d'Achille est un con. Oui, une Chrysler. Une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler. Mais quand les ressorts grincent, quand les ressorts grincent, les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer pour venir regarder. Chrysler. Chrysler. Chrysler rose. Chrysler. Le septième ciel à travers la capote déchirée. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Chrysler. Alors je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Chrysler rose. Le levier de vitesse pour un cœur gravé. Il y prend les mains trouées. Et ça dit au moment monté me dit, ta Chrysler elle est foncée. Oui mais on est tous défoncés. Chrysler, Chrysler rose. Oui, une Chrysler. Et Sally me dit, t'as les vieilles vitesses en moi. Non, c'est moi. Chrysler, Chrysler rose. Fond de la cour. Capote est déchirée. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Oui, ma Chrysler. Ta Chrysler est... Oui, mais on est tous. Ta Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Oh. C'est là que je fais l'amour. On est mieux au septième. Le septième ciel à travers la capote déchirée. Le septième ciel et ses nuages pas bleus. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Ouais, ta Chrysler. Ta Chrysler, salement défoncé. Oui, mais tu sais, Chrysler. Chrysler. Chrysler, Chrysler, Chrysler, Chrysler, oh. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Le moment de monter, c'est limite. La Chrysler. Oui, la Chrysler. On monte. Président, s'il vous plaît, avez-vous le micro? Un, deux, merci. Il y a juste une mission à accomplir, c'est d'ouvrir. Marianne aussi est défoncée. Monsieur le Président, Marianne? elle est plus que défoncée, là. Elle cherche... à ruminer ses pensées qui ne lui reviennent plus à la mémoire. Monsieur le Président, Marianne? Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, madame les voluptés, ça a été capté hier soir. S'il vous plaît. Les soirées sont assez olé-olé-zi. C'est un studio où tout est barré. Sauf quelques portes. Et voilà. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité et à l'histoire finement improvisée avec... oui, OK, merci. Merci, Marianne. Je trouve qu'elle a une voix passablement masculine. Marianne, avez-vous une voix masculine? depuis hier, hein? Et belle soirée hier, hein? Est-ce que vous vous en souvenez, madame? Bon. En résumé, ce fut... Bienvenue. Elle est bien défoncée, la Marianne, hein? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, à Errance Rénaldienne. On dit pas de fausse vérité, hein? Oui, bon. Excellent. Vous êtes à la bonne place. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas à ridicule? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Et j'ai mon petit sac de démarrage. Quand on sent... Il n'y a plus rien dans le sac de démarrage. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien dans le sac de démarrage? On s'arrête et on fait le plein. Alors, pourquoi j'ai plus rien? Comment ça? Non, tu le sais pas. Okay. Aujourd'hui, le vendredi 7 septembre 2012, les errances rénaldiennes. Demain, c'est le 13, heureusement, c'est samedi. Pourquoi? Parce que le vendredi 13, ah, mon Dieu, ça sent le chat mort. Ça sent le chat mort ou vivant. Oh! Non, c'est le vendredi 13, c'est quoi ça? Hé, hey, monsieur, hein? Êtes-vous... Faut jamais passer des soirées avec Marianne. Aujourd'hui, le vendredi, la preuve. On est le 7, puis on dit que le vendredi 13. Hé, hey, monsieur, c'est loin le vendredi 13, c'est dans une semaine. Quoique, ça n'arrivera pas ce mois-ci. Le vendredi, on va y arriver, faites-vous-en pas. Nous allons nous recueillir à cet instant précis, histoire d'amener un peu plus de... d'aura. D'aura, ben de centralisme positif. Ah, mon Dieu Seigneur! Au Québec, on n'est pas très centraux. Centré. Oui, on est centré, mais pas dans le milieu. Oh! On est centré où? Partouze, sauf dans le milieu. Oh, dans le milieu de la... Ah, même dans le milieu de la radio. Moi, je suis pas dans ce milieu-là. Comment ça, tu fais pas de radio? Non, moi, c'est une anti-émission de radio. Donc, je n'ai aucune des fêtes radiophoniques. Je participe à aucun des mouvements radiophoniques. Phonique et fun. En fait, c'est juste pour le plaisir. Pour le plaisir, je vais chanter. Non, ça, c'est vous. Je vais vous emmerder. Pour le plaisir, je vais vous emmerder. Pour le plaisir, je vais chercher de l'unisson à... Comment? De l'unisson à volonté. Hey, monsieur. C'est la chanson de l'été. Heureusement que c'est passé l'été, oui, c'est vrai. Hey, moi, là, j'ai essayé de me noyer 20 fois pour faire partie des gens qui l'ont fait. Bah, incapable. J'ai commencé sous ma douche. Je faisais bleu, puis c'était pas assez. Ensuite, j'ai essayé dans mon verre. Ah, ben dans le verre, ça fonctionnait un peu plus. Ah, je me suis loyé là-dedans. Bonjour, ma gueule. Le vendredi 7 septembre 2012. Et toi, Marianne? Oui, elle, c'est tout le temps. Tout le temps la partouze. Aujourd'hui, on va le dire, le 7 septembre 2012, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Et c'est notre dernière avec M. Marcel Amont. Non. Notre avant-dernière. OK. Oui, monsieur. Laissons. Non, c'est le décalage. Ah, le décalage de bière. Non, c'est horaire. Horaire, je l'avais invité à mon émission il y a 3 semaines. Il n'a pas voulu. Mais il était en décalage. Horaire. OK. Alors ça, on va le placer sous la liste noire. Ah, oh, mon Dieu. La liste à banni. Flora Madi, banni. Fanny. Fanny, fini, foutu, l'amour est à l'envers. Fanny, fini, c'est la faute à l'hiver. Fanny, fini, foutu, l'amour est meilleur. Fanny, fini, foutu, balabala. Moi, je suis comme Michel Legrand. Quand je connais pas les paroles, c'est jalaisy. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un narratif, unissons-nous autour du comédien et chanteur Marcel Amont. Marcel Amont, de son vrai nom, Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont, né le 1er avril 1929 à Bordeaux. Lui, il connaît bien le vin. C'est vrai. Nous en avons débouché quelques bouteilles dans notre studio improvisé, c'est Kaérélien à Paris. Parce que saviez-vous que c'est Kaérélien, un studio à Paris? Près de la rue, à côté de la rue, en direction de la rue Vavin. Qui? Vavin. Hey, ça n'a pas bien son nom, Vavin. J'ai été pris dans sa rue Vavin, moi, là. Oh, je débouchais, j'arrêtais pas de déboucher sa rue Vavin. Oh, puis là, Marcel m'a dit, hey, viens t'en, mon petit champion. J'ai dit, Marcel, c'est moi? Ben oui, je t'ai reconnu, mon errant. Coupe de cheveux comme ça, c'est unique. Lunettes comme ça, c'est unique. Une gueule comme ça, c'est unique. Viens t'en, moi. J'ai dit, Marcel, t'es un vrai Marcel pour moi. Il dit, oui, je suis en amont de mon succès depuis bientôt 50 quelques années. Oh, Marcel! Merci de me faire confiance à mon émission Errance Rénadienne. C'est la dernière fois, moi, là, regarde. Là, il perd son accent, là, quand il me voit, là. Écoute, là. Pendant toute ma vie, j'ai laissé la chance aux perdants. Là, c'est la dernière fois avec toi. Ah, oh, merci, Marcel, merci. Ah, oui, viens-t'en. Alors là, je l'ai suivi. Il dit, j'ai eu un cachet pour toi, mon petit champion. C'est pas vrai, Marcel? Ben oui. Gars, regarde-moi ça. Nos studios seront ici pendant 2 heures. Les studios CKRL à Paris. Il n'y a pas de... Hey, c'est nouveau! Ben oui, personne ne le savait à part moi. Ah! Oh! Hey, il m'avait fait un beau néon, c'était écrit CKRL. Ah! Oh, c'était tellement beau, j'ai pas pu le ramener ici parce que... au Québec. Question de douane. Trop d'illumination. Les comment tu les appelles, les gars de droite là, les douaniers, oui. Les douaniers trouvaient ça louche, là. Comment ça, ça éclaire, c'est pas branché? Ben oui, mais c'est à pile. À qui, à pile? À pile, à pile? À pile, non, mais c'est à pile. À piscine love, là. Les années 70, c'est tout à fait louche. Passer dans la cabine. Hey, je vais passer dans la cabine. Ah, quelle belle soirée. L'avion, grâce à moi, au dû à moi, ou par ma faute, a été décalé de 3h30, quoi. La fouille était... J'aimais ça, là. Je lui disais, mettez un peu de musique, là, puis rajoutez un peu de boucan. Ah, oh, la fumée était là, là. Mettez du Marcel Hamon. Ah! C'est une chance de nous. Oui. Oui, merci, elle n'aimera pas ça. Je... Chanson de nous. OK, on arrête ça. Merci beaucoup. Alors là, j'ai essayé d'expliquer à ces hurluberlus trop poilus. Même les femmes sont poilues là-dedans. Ah, c'est pas beau. C'est la vérité. Des cils, c'est plus des cils, ça, là. Coupe-moi ça, ma petite championne. C'est pas chance, c'est pas numéro un. Ouais, mais moi, je suis loin. Ouais, on le sait que t'es dans un milieu très difficile, là. Gardienne de prison, c'est recherché, là. On a le choix dans la vie, là, soit d'être douanière ou agent de correctionnel. Mais plus facile correctionnel que douane, eh, monsieur. Parce que là, vous êtes prêts avec des hurlus-berlus comme moi, là. Hein? C'est pas facile. Marcel Hamon, oui. En 56, il sort son premier disque et la même année, fait la première partie des concerts d'Édith Piaf. En 62, il se produit à Bobino. Il crée plusieurs chansons signées par Claude Nougaro. En 70, il se produit à l'Olympia. Son premier one-man show avec danseuse, cascade, écran géant, etc. Marcel Hamon se réfugie dans l'écriture dans les années 80, un moment un peu plus difficile pour lui dans sa carrière de chanteur et de comédien. En 2010, il écrit une chanson avec Alain Delon où l'on entend la voix d'Emma Domas. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouve là, à Paris, dans cette... Qu'est-ce que tu voulais dire, donc? C'est ça. En 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer ce grand pionnier de la chanson, Marcel Hamon. Alors, bref, c'est ça, l'introduction. Bref, la musique! Ça, c'est un beau bref, hein? écrit à ma façon. Je ne veux pas faire de comparaison ni de quelle valeur. Non, non, mais je ne veux pas faire de... Je ne sais pas où je me situe dans l'ordre des talents, ni par rapport aux affiches présentées, passées, j'en sais rien. Mais c'est ça que j'ai voulu faire. Et c'est ça que j'ai fait. Alors ça m'a valu d'ailleurs certains inconvénients. C'est que effectivement j'étais obnubilé par ça. Et à l'époque où le disque était incontournable, j'ai laissé passer des chansons qui auraient pu marquer... Dans les gens, par la radio, tout ça. Ouais. Et je passais pas à la radio, parce que quand je chante L'amour en mer ou Le clown, ça passe une fois à la radio et ça suffit. Tandis que si vous chantez Bleu, Blanc, Blanc, vous pouvez le passer 37 000 fois. En fait, voilà, c'est parce que c'est des chansons de scène. Hein? Voilà. Okay. Alors, l'anecdote, je ne résiste pas. Non, au plaisir de vous la raconter, je rentrais justement du Québec. OK. À quelle année pour situer. 60, des années 60. Peut-être 62, 63. OK. Québec, Montréal, et un type que j'adorais, qui était le père Gélina, oui, à la Comédie canadienne, oui, qui est resté là-bas 3 semaines. Ah oui? Oui, depuis je suis plus revenu, ça me donne du chagrin, parce que c'est vraiment... Bon, bref. Je rentrais de Québec, et comme je faisais d'habitude, je repassais par New York pour aller voir les shows. Je retenais mes places d'avant. Ouais, musical. Sur Broadway, tout ça. J'ai vu des choses extraordinaires. Incroyable. Et j'appelle Charles Aznavour, je savais qu'il était là, il commençait à essayer de s'implanter un peu aux États-Unis. Et tout le monde sait qu'il a mis le temps, mais il y est arrivé. Oh combien ? En haut de l'affiche. En haut de l'affiche. Et donc il passait, comment ça s'appelle, le Greenwich Village ou quelque chose comme ça ? Oui, Greenwich Village, oui. Il est passé. Oh, ouais. Viens me voir, on va boire un coup. Il me dit, dis donc, tu sais que le vieux était au Waldorf Astoria, le vieux Maurice. Maurice Chevalier. Pour qui ? Oh, vous l'appuyez, ok, il y avait un surnom, le vieux. Ah, mais non, nous, on l'appelait comme sympathique, ça, affectueusement. Ok, oui, le vieux. Non, c'est pas vrai. On lui fait savoir qu'on va passer le voir. On se pointe là pour aller voir chanter... Maurice Chevalier. Papa du show business, comme on disait pas encore à l'époque. Enfin, on disait pas systématiquement. Et on arrive devant le Waldorf. Il y avait son pianiste, Fred Fried, qui avait un truc autour du cou, on strike. Les musiciens faisaient grève. Et chez vous, là-bas, sur le Nouveau Continent, quand c'est la grève, c'est pas de la strike pour rigoler. Non. Tout le monde fait grève. Oui, oui, oui. Et Fred Fried nous dit... Pour la solidarité. Et voilà. Et Fred Fried nous dit, mes enfants, moi, si je veux travailler aux États-Unis, il faut que je fasse partie des unions, c'est-à-dire des syndicats, et je peux pas jouer. Maurice le sait, donc il n'y a pas de problème. Bon, allez le voir, il vous attend. On va le voir dans la loge. Il nous accueille comme le bon papa qu'il était. Il me dit, mes enfants... dont je ne peux pas chanter, mais j'ai une idée que je caresse depuis des décennies et des décennies, c'est de chanter un jour sans accompagnement. Bon, et il l'a fait. Il l'a fait. A cappella. A cappella. C'est-à-dire, il y a eu une annonce, mesdames et messieurs, Maurice Chevalier, sous l'ordre de la grève, ne pourra pas chanter, il chantera a cappella les personnes qui désirent se faire rembourser. Personne ne s'est fait rembourser. Mais non. Et on a tous assisté à un événement historique dans le petit Landerneau de la Cansonnette, parce qu'il leur a expliqué. I was born in a suburb of Paris. Avec l'accent. qui cultivait. Oui, oui. Who calls Ménilmontant. There is, here, the trombone is making pom pom pom. Bref, etc., etc. Et les gars Ménilmontant. Toute la salle, pom pom pom pom. Alors les gens connaissaient. Donc il a fait un trillion. Incroyable. Et il a chanté, donc il n'a pas renouvelé l'expérience. Mais il en rêvait, il l'a fait, et on était là. Je vais vous dire qu'il y avait, ma compagne de l'époque, il y avait Charles, et Hula, qui était là d'ailleurs, il y avait Hula, et il y avait, par hasard, il passait au Carnegie Hall, il y avait Manitas de Plata. On a donc assisté tous les trois à cet événement historique. Effectivement, un événement unique. J'ai pas trop d'argent, la vie maintenant. C'est dur pour tout le monde, surtout pour moi tout seul. L'oseille, je veux de l'oseille pour me renifler et me renflouer du flouze. Des marques, des dollars, des francs et des suisses, des florins et du yen. Pognon, pognon, pognon, pognon. J'en ai pas trop, donnez-moi son. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon. J'en ai pas trop. les impôts m'ont saigné, j'ai l'air d'un malheureux. Pour garder ses amis, la maison fait plus de crédit. Du fric, des sacs et des briques, un peu pour la sieste, un peu pour le zeste. Des schnocks, des marques, des dollars, des francs et des suisses, des florins et des yens. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Sur terre, y a des gens qui vivent pour l'argent. L'amour, l'oseille, je veux de l'oseille pour me reniper et me renflouer du flou, des marques, des dollars, des francs et du suisse, des florins et du yen. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Du blé, du blé. Pognon, pognon, pognon, pognon, j'en ai pas trop, donnez-moi-en. Depend upon black people to eat, we would starve to death. Everybody, wake up. You've been out there. You're on the bandstand. You look out to the audience. What do you see? You see Japanese. You see West German. You see Slavovic, anything. But it's except our people, man. It makes no sense. It incenses me that our own people don't realize our own heritage, our own culture. This is our music. That's bullshit. Why? It's all bullshit. Everything you just said is bullshit. You complaining about... I'm talking about the audience. That's right. The people don't come because you grandiose motherfuckers don't play shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that. Inevitably, hip-hop records are treated as though they are disposable. They're not maximized as product even. You know, not to mention as art. kodwa sinsukwini zanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane she's a rich girl she don't try to hide it diamonds on the soles of her shoes he's a poor boy empty as a pocket empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer, hein? Non, on va lui laisser nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ça va bien, mon Montréal? Ça va très bien? Oui, merci, monsieur! Hein? C'est pas lui, Rénal, c'est qui, ça? Ah, c'est un ami célèbre, inconnu, venu de presque un monde meilleur. Hein? Il y a un monde meilleur? Oui, merci, monsieur! Ah, lui, c'est vrai! Il y a une voix qui me semble meilleure que toutes les autres voix. Ben ouais! C'est un cinglé! Un cinglé, voyons. Heureusement qu'il y en a des cinglés, parce que sinon, il y aurait des cinglés. Que serions-nous? Ça, c'est faux! Dilettant! Dilettant, ben dilettant! C'est cinglé de la première boutade, de la première fournée. Alors, la première phrase, c'est « De ses cinq sœurs, Cass, parce qu'elle se cassait souvent. Hey, on la collait, sa fille-là. Puis elle-même, elle aimait bien s'autocoller. Ah, oh, mon dieu! Ben oui, elle disait « mon nez décolle. » Fait qu'elle se recollait le nez. Prenait des respirations de colle. Ben, c'est pas comme ça que tu colles. Il faut que tu rajoutes de la substance collante. Vous connaissez pas ça, vous autres, la colle? Ben écoute, je suis allé quand même assez longtemps à l'école pour comprendre comment fonctionne la colle. Et pour moi, ce n'est pas une colle, mais au contraire, c'est une supercherie de ta part pour t'amener l'imagination. Non, je suis allé à l'école. Ça paraît pas. Moi, c'est l'école discrète de la haute bourgeoisie. Oh, avec Buñuel. Non, Buñuel n'était plus. Où il était? Il était perdu dans un monde que l'on appelle la mort. Oh, mon Dieu. Que c'est triste. Oui, c'est triste Venise. Avec ou sans Chabrol. Que c'est triste Venise, toi, qui ne me parle plus. Et c'est un beau U, hein? Merci. Alors donc, elle s'était cassée le nez. C'est comme le bon roi d'Agobert. Le bon roi d'Agobert, ah, mais c'est que l'autre à l'envers. Le bon peut envoyer dans ce bandit du bon, il était qui tue le thé. C'est bon, lui dit le roi, je vais le remettre à l'endroit. C'était le bon d'Agobert, mais c'est que l'autre à l'envers. Le bon dans les doigts, les bêtises, le bon de bateau, le bon de balai. C'est bon, lui dit le roi, je vais les coller à l'endroit. C'est pas d'accord, ça dure 2 ans et demi. C'est pas d'accord, à la fin, les gens, là. Plus de rappel, plus rien. C'est pas d'accord. Le gars est bien allumé encore après 2 ans et demi. L'argent rentre plus, mais il n'y a plus rien. Ça fait presque 2 ans qu'il ne mange plus. Il fonctionne sur les vapeurs. C'est bon, moi, d'un gobain, talon vert. Alors, de ses 5 sœurs. Donc, les 5 sens. Ces sœurs-là, à un moment donné, n'en avaient plus de sens. Non. Elle s'était mis les culottes à l'endroit, mais à l'envers, puis à l'envers de l'endroit, puis le maquillage à l'envers, dans le front. Elle était friante de se maquiller les cheveux. Hein. C'était pas le visage, c'était les cheveux. Prenez le rouge à lèvres, et donc, dans les cheveux, c'est tout gras, là. C'était avant le punk, là. Il pognait pas non plus. Le punk pognait pas. Alors, de ces 500 pognés, ça veut dire fonctionner auprès des autres. S'attirer le regard d'autrui. De ses, ah ouais, on va le dire. Oh, ça a brisé la feuille. Je suis trop violent, moi, là. Je suis dû pour des vacances. Tu reviens? J'en reviens point. On ne revient pas des vacances. On est 49 semaines à tenter de monter à la surface pour replonger pendant 3 semaines dans les vacances extravagantes. Comme maintenant, maintenant c'est terminé. Ça va? Non. OK, alors de ces 5 sœurs, Cass était la plus jeune et la plus jolie. Elle était... si jolie que je ne pouvais l'aimer. Elle était si jolie que je ne pouvais l'oublier. Donc, de ces 5 sœurs, hein, c'est Cass qui ne voulait jamais se casser de mon cœur et je la recollais même si elle grippait. Je me suis dit, un jour, elle va comprendre, elle va voir, elle va tout saisir, ma limite intellectuelle, ma limite artistique, ma limite sexuelle, ma limite orale. Ah, oh, ben là, ça va être, non, ça fait pas partie de sexe, non, c'est auditif, là, le côté oratoire de ma personne. Ah, mon Dieu. Hey, moi, là, je lui avais demandé, s'il vous plaît, ma belle petite Gaétane. En parlant d'oratoire, là, dans ce champ-là, tu places une rangée de mots, une rangée de prénoms, une rangée de noms, de verbes, de compléments, de sujets, bon. Et puis ensuite, tu vas cueillir tout ça, mais pas en même temps. T'as même pas arrosé ça, ma belle. Regarde, c'est à l'encontre de toute compréhension de la francophonie moderne. Les gens vont revenir contre notre façon de faire, puis ils nous le diront. Quoique, ils n'auront plus de mots, ça va toutes les punchers avant. Hein? On va les recoudre, ça ne pourra plus parler. Exprimez-vous! Exprimez-vous! Excellent travail! T'as rien à dire, hein? Bon, comme un journaliste, hein? Vas-y, le journaliste! Bon! Tu connais rien à l'art absurde, à l'art brut, à l'art moderne. Ben, aux formations universitaires. Bouche-la, tu l'as pas coupé encore, là. S'il vous plaît, je te demanderais de prendre le fil numéro 3. Celle que l'on utilise pour ramener les chaloupes. Ça fonctionne pas, on va prendre la grosse corde. Hey, la grosse corde jaune, là, qui nous ramène les bateaux pêcheurs de sirènes mobiles. Ah, mon, les belles sirènes mobiles. Ben, elles le deviennent parce qu'on les sort, on les sort de l'eau, hein. Ah! Là, on a 3 sirènes sur eBay à vendre. Parce que ça prend de la place dans un bain, ça, là, c'est bien beau. Moi, je prends ma douche, mais avec des sirènes, c'est toujours collé sur toi. C'est comme des census! Vous allez apprécier, messieurs, là, c'est comme des census. Si vous avez jamais vu ça, là, c'est tranquille, tire, bon, ok, parfait. Fais la belle, bon, des beaux cheveux, ah, c'est bon, ok, tranquille, bon. C'est ça, des sirènes. Je connais... Non, c'est pas... C'est quoi? La sirène aux longs cheveux. Ah oui, c'est vrai, il y a le... Dans la chanson « L'oiseau » de René Simard, il y a la sirène aux longs cheveux. Ah, oh, que c'est beau, hein? Faut être assez niochon pour croire à ça, là. Je connais la brume claire et la redoux comme des journées divines. Je connais le retrouvé. Cass était là, bien casé dans son échiquier sociétal, parce que tout le monde a sa place là, dans le casseau, là, dans le casseau, pas dans le casseau, dans le casseau. Sauf moi, là. Moi, je veux pas rentrer dans le casseau. Ah, c'est trop petit, je me sens comme une sardine. Et moi, tu sais que version, moi, c'est comme la baleine, j'aime bien mes choix. Ma mâchoire peut pas rentrer dans la mer. Ben, elle sort beaucoup plus facilement qu'elle peut entrer. Elle se laisse aller, là. On ouvre ça, cette grande mâchoire-là. Il y a des algues. Il y a quelques vagues. Dans la mâchoire, ben oui, c'est une grosse mâchoire gigantesque. Ben avec la langue, je peux faire des vagues. C'est vrai, hein, c'est beau. Mais c'est du jamais vu, non? C'est bien merveilleux, ça! J'ai dit, c'est dollars. Mais là, je vois pas de dollars, là, mais c'est dollars. Ouais, mais dollars, l'ordre, malheureusement, n'est pas équilatéral de dollars des ormeaux et ni de dollars signe de pièce. Parce que très souvent, le créateur solitaire et hors norme crève comme Georges Méliès, seul, sans aucune maudite scène, à nourrir des oiseaux puis à se faire par les petits oiseaux. C'est ça, la vie. On fait attention aux petits oiseaux, puis ils s'envolent, puis pouf! Ils nous envoient des beaux petits cadeaux. Wow! La phrase, bien sûr, de ce truc de Bukowski, c'était... La plus jolie fille, en deux mots, de la ville. On va recommencer pour le public. Public, on recommence la chanson du début. On a trop de respect pour l'artiste. J'étais proche de j'ai tourné On l'aimait beaucoup. Un chevalier. Parce qu'il n'avait que nous. Bon, il avait une famille avec qui il avait des rapports lointains. Okay. Mais sa vraie famille... C'était la musique, la musicale. C'était le notre papa, quoi. Et un jour, comme un con, je lui dis... Il faisait sa rentrée pour ses 80 ans au Théâtre des Champs-Élysées. Un retour, un de ses nombreux retours. Et je lui dis, Maurice, vraiment, vous êtes notre papa à tous, on vient tous vous voir avec lui, vous venez nous rendre visite dans les coulisses de nos musicaux, nous passons. Hier, il y avait Gary Grant qui était chez vous, Audrey Hepburn. Pourquoi, en fait? Il me dit, mais mon petit, réfléchissez, j'ai 80 ans, je n'ai pas d'enfant, ma famille, c'est un souvenir lointain. Que voulez-vous que je fasse d'intelligent? Que je m'assoie sur un fauteuil et que j'attende que la mort vienne me prendre. Et maintenant j'ai les 83, je me dis, vous avez bien raison, grand-père. Incroyable. À un moment donné, vous vous associez là, avec les années. Avec les années, vous vous rappelez de ce qu'il disait. Oui. Mais Maurice, c'était notre papa. Oh, j'en ai pour des heures, si je veux vous parler de tout ça. J'en ai pour des heures. Mais au fur et à mesure que vous vous êtes présenté au public, seul au piano aussi... Hein, Non, je ne joue pas de piano. Ah non, je vous ai vu sur des images piano-voix, non? Récemment? Non. Pour l'occasion, j'avais appris le doigté de la main droite. Okay. Non, c'est comme si j'avais appris le trombone. Okay. Alors on n'en parle pas. On ne peut pas chanter en même temps. Okay. Parlez-en si vous voulez. Non. C'est-à-dire, pour faire un curriculum vitae rapide, je suis dans un milieu paysan venu travailler à la ville parce que les conditions dans la montagne, paysans, montagnards, très la ville qui est impossible, incroyable. Ils sont venus travailler la ville, ils ont vraiment galéré, mais pas plus que dans leur pays d'origine. Mmh, mmh. Moi, fils unique, ils m'ont élevé d'une façon merveilleuse. Merci papa, merci maman, pour la deuxième fois. J'ai fait mes études secondaires, ce qui était dans mon quartier exceptionnel, parce que les autres, ils étaient en apprentissage, moi j'allais au lycée. Ouais. Hein. Ensuite, je suis au conservatoire d'art dramatique, au grand désespoir de mon père. Mais alors, tu crois qu'on va te payer pour faire le corps? Quel accent! À couper au couteau! C'est merveilleux! Oui, mais... Les Québécois, vous êtes des rigolos. Oh, oui, nous, écoutez, on ne va même pas à la... Quoi que vous roulez bien les airs, comme j'aime. Oui, oui. Vous roulez bien les airs. Mais vous, c'est encore beaucoup plus... Ah, mais mon père, il roule plus. Le maire de Pau s'appelait La Barrière, B-A-2-R-E-R-E. Il roulait les deux premiers et pas le deuxième. Il disait La Barrière. Oh. Le premier roulait, le deuxième non. Alors c'est du travail à la maison, là, si on veut récréer le... Alors bref, j'ai eu donc la chance de faire mes humanités, comme on disait à l'époque, d'aller au conservatoire, d'être nourri et logé à la maison. Après, au début, je commençais à ramener un peu d'argent. D'être aidé, d'être aimé, c'est formidable. Ouais. C'est une force incroyable. Ouais. Moi, je connais des gens de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie. Il y a trois jours, là, j'étais chez des amis, je me dis donc, mes parents étaient très aisés, mon père était avocat, ma mère était dentiste, mais je les voyais un peu le week-end, sinon c'était les nounous qui s'occupaient de nous. C'est incroyable, nounous. Et quoi plus encore, non. Alors les parents n'étaient pas... Encore aujourd'hui, aujourd'hui c'est de plus en plus vrai, les deux parents travaillent, donc on envoie les enfants ailleurs. Eh oui, moi j'ai beau... Bonjour, on a eu des moments difficiles, mais tout le monde les avait pendant la guerre. Oh, oui. Les bombes sur la gueule, tout ça, mais ça c'était tout le monde. Oui, hein. Oui. Les bombes, elles disaient pas, tiens, je vais aller taper chez lui. Là. Ça arrivait malheureusement où ça devait jouer. C'était un moment très difficile. Et la chanson est rentrée dans votre vie par la grande porte. Alors, nous y voilà. Parce que vous avez été aussi comédien, pourquoi l'oublier? J'ai d'abord, c'est-à-dire, voilà, pour me faire un peu d'argent de poche, parce qu'il n'y avait pas d'argent de poche à l'époque chez les petits gens. Et puis j'avais compris quand même qu'il ne fallait pas exagérer non plus. Ce n'était pas des gens suffisamment riches pour que j'aille fouiller dans le portefeuille de ma mère, porte-monnaie de ma mère. We'll be right back.

Je me remémorais ça en écoutant Franklin McLean. Qui? Pas Shirley MacLaine. C'était là, la Franklin. Franklin Betrayed Little Till. Oh, Bella Twill. Oh, Lizard Will. Arrêtez-la, c'est Franklin. Arrêtez la pala, pala pou, un peu. Arrêtez les missiles. On the way, attends, baby. Gaétan, peux-tu me souffler le nom? Mes doubles foyers font défaut. Le feu est pris dans ses lunettes. Aretha Franklin. On le savait, ben oui, on le savait. On n'est pas des incultes. On sait que c'est une Alsacienne de Bordeaux. De porno? Non, de Bordeaux. OK, wow, je suis peur, moi, là. Il me semble que je l'ai jamais vu dans un film triple nomenclature et sans aucun budget au niveau vestimentaire. Oui, c'est ça. Pendant que j'écoutais little bit, je regardais en arrière de moi et je me voyais. Parce qu'il y a un fil des. Si vous voulez, madame, vous me voyez sur Internet? Non? Ben voyons. C'est pas juste audio, cette émission-là, là, c'est vidéo. Je capte d'autres ondes. Donc, malheureusement pour vous, mon visage. Ça peut pas être aussi. Oui, c'est. Oui, ça fait peur, je sais, madame. Ça cassera pas votre télé HD. Je vous le jure. Mais je me regardais en arrière et je me disais j'étais un peu dodu à cette époque. Quoique maintenant, c'est pas mieux. Et Philippe Perrin, un ami que j'ai rencontré à Paris, un artiste multidisciplinaire, m'a dit qu'il, lui, était en plein régime, reprenait la boxe. Ouais, je devrais moi aussi faire 4 boules de cuir, box. Mais moi, monsieur Perrin, le grave problème là-dedans, je m'en vais vous le dire, moi, là. J'ai pas peur, là. Je m'étire le poumon et parce que j'en ai juste un. L'autre, je l'ai fermé pour me donner la chance de faire une deuxième émission. Moi, je peux faire ça, moi. Moi, c'est en concomitance. Poumon droit, poumon gauche. Ça, maintenant, c'est mon droit qui parle. Mais c'est un peu fasciste. Quand le gauche va apparaître, ah, ben là, c'est le début de temps nouveau. On va s'aimer, tout là. On va s'aimer. Monsieur Jokebox. Alors, Philippe Perrin me disait, pourquoi tu suis pas un régime, mon champion, mon gros tas d'amour? Parce que moi, m'a dit ça, Philippe. Parce que moi, au Québec, là, on a de la bonne bouffe. On a du bon vin. Pas plus que Paris, mais quoique. On a du bon fromage. Le Riopel. Philippe, Riopel. Prends ça en note, là. Rio. Si je vais à Rio, c'est sans mourir, avec ses amis Riopel. Non, c'est si je vais à Rio, c'est avec mon Riopel que je mange à la pelle frite. C'est un fromage presque au beurre qui s'étend. Qui s'étend. Là, c'est le monsieur la censure, monsieur le censeur, le censure, c'est les juifs. Il m'a dit, coupe-moi ça, parce que si tu veux pas faire de montage vidéo et faire fring pendant ton émission, là, coupe ça, là. Ça doit passer vers le cerveau. Il y a comme un petit tuyau de 15 secondes d'arrêt. Et ensuite, tu peux évacuer le mot. Celui-là n'a pas passé aux douanes. Cet atelier, cette semaine, cet atelier d'improvisation est devant un épuisement. Arrête d'improviser, OK. Cette semaine, mais je vais vous le lire, j'improviserai après. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons des abirons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Voiture. Ils s'en passent des affaires dans les voitures. On n'a pas assez d'imaginaire et d'imagination pour nous placer ça sur une surface HD haute définition surround digital Dolby. C'est pas juste la conduite, là. Les gens s'imaginent c'est pour aller au point A, au point B. Pas du tout. Ça peut servir de maison. Ça peut servir de rencontre. Ça peut servir d'abri. Ça peut servir de studio de radio. Comme cette année, j'ai pu en profiter grâce à mon ami Marcel Amon. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que, je vous l'ai relaté la semaine dernière, mais vous m'avez manqué la semaine dernière. Vous étiez où? Vous pouvez réécouter les anciennes émissions sur mon site internet, là. J'ai un site officiel. Vous allez sur gargoyle.fr, vous rentrez Errance Rénaldien. Le premier errant, c'est moi. C'est pas Errant Boudreau, c'est Errant Gagné. Rénal Gagné, c'est moi, ça. Rénal, R-A-Y-N-A-L-D. Gagné, Gagné. Bon, pas compliqué, ça, là. Un enfant de maternelle, attendez. Tout est tombé, attendez. Un enfant, 30 secondes encore, s'il vous plaît, merci. Un enfant de maternelle, vous êtes bien gentil envers moi. Tous mes DVD me sont tombés dessus. Quel fantasme! J'en redemande à volonté. C'est quelle rubrique? Ah, c'était toutes les Benex. Ah, puis les Léo Scarax. Et en parlant de Léo Scarax, son nouveau film, je l'ai vu 3 fois. Il viendra à Québec un jour si les gens le réclament. Sautez sur cette opportunité. C'est le meilleur film depuis mes 18 derniers mois. 18 derniers mois, je vais en voir des films. J'en regarde à la télé. Non, pas à la télé. J'en regarde sur mon DVD. Sans publicité, parce que moi, le cinéma, c'est sans pub. Et j'en vois des films. Hein. Récents, anciens, nouveaux. Nouveaux, anciens, récents. Québécois, Suisses, Belges, États-Unis, Zimbabwéens, Zimbabwéens, C'est votre grand-père Noé, Patriarche digne, que le bon Dieu a conservé pour planter sa vigne. Il s'est fait faire un vaisseau pour se préserver de l'eau. Qui fit son refuge pendant le déluge. Quand la bombe apparut à la troupe noire, et les saints et les pensées quand les troupes à boire, Timothée le plus fin. Hey, wow. Moi, je dis que c'est pas du vin. Alors, il a pa-pa-pa, il a sa-sa-sa, il a pa, il sa sa ah, t'as un peu. Il a pa-pa-pa, il a sa-sa-sa, il a pa, il a sa. Il a passé toute sans en boire une goutte. Ouais. Comment tu veux que je vérifie si c'est vraiment du vin? Si je ne peux point en ingurgiter une simple gouttelette sur ma langue asséchée comme le désert de Sarah Bernard, ainsi soit-elle, maintenant et pour toujours. Alors, la voiture est quelque chose d'assez extraordinaire. En dehors, j'aimerais m'en acheter une, moi. Pour jamais l'utiliser, sans essence. Vendez-moi ça, monsieur, là, puis remorquez-moi ça chez moi. Pas d'essence, rien. Sucez-moi ça, ma belle championne. Suce-moi ça. Parce que c'est une c'était une ancienne ménagère qui s'est dit, je vais me prendre en main, moi, là. Les années 70, Lise Payette m'a dit, va travailler, t'es capable. Les enfants, c'est pas juste fait pour les femmes, c'est fait pour les hommes. Je me suis trouvé un emploi de garagère. Depuis ce temps-là, je digère ma vie avec grand bonheur, j'ai pas d'ulcère d'estomac. Je contrôle le véhicule. J'entre des clés dans les contacts, dans le contact. Et je me suis fait des contacts avec ça. Ah, moi, le petit guide Michelin, là, je le connais par cœur. Mmh. Tous les gens qui sont là-dedans, c'est mes amis. Pourquoi je gêner? Fait que là, moi, j'appelle la jeune dame. Si vous pouvez me livrer ça sans essence, sucez-moi ça. Merci, mademoiselle. Merci. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai donné quand même 20$ là, quand je voyais qu'elle y travaillait très fort. Une fois que c'était fait, que ça a été fait, elle me l'a déposé dans mon arrière-cour. Et depuis ce temps-là, pas de tente. Moi, je fais pas de camping. Je fais de la voiture mobile. Mobile, mais stagnant. Et là, quand je veux faire un petit tour de voiture, là, je me mets mon écran DVD en avant. Et je me promène en autobus quelques jours avant, je filme et je projette ça sur mon écran DVD. Oh! On dirait vraiment que je roule. Je fais pou pou! Là, j'invite des filles. Là, les filles, oh, on s'en va, on s'en va, on s'en va pas. On s'en va et ça revient. C'était. Oh! J'ai pas de succès avec ça. Puis là, le cinépark, c'est pas compliqué, là. L'écran que je vous ai dit que je plaçais à l'intérieur de mon véhicule, je le sors à l'extérieur, je mets trois tiges que j'ai fait faire moi-même par des professionnels de la tige. Et je place mon écran toujours HD. Et là, je me projette Benex, Carax, 37.2 le matin. I'm man boy. Film noir et blanc, là, extraordinaire. C'est là-dessus qu'on entend. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et ma larme n'y pourront rien changer. Ma larme, arrêtez. Ma larme. Que c'est dur, Paris dans le trépas. Je crois que cette chanson-là a été jouée tout à l'heure. Est-ce que c'est normal, docteur? C'est tout à fait normal. Merci. Mais je suis pas certain. Je suis pas certain, mais il faudrait peut-être écouter. Ouais, j'ose entre vous. Ouais. Ah ouais, on l'a déjà fait. Hey, c'est impensable. C'est une anti-émission de radio. Comment on peut zoomer devant vos oreilles, madame? On s'excuse. Nous sommes des incompétents heureux. How do you do what you do? I knew, if I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Et l'éditeur, on faisait rencontrer des tas de gens. C'était une plaque tournante. Okay. Et là, chez Raoul Breton, j'ai rencontré Charles Aznavour. Okay. Je lui ai chanté ses chansons parce que son répertoire me plaisait beaucoup. Je lui ai chanté Départ Express. Oui. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Et j'en ai oublié, loulou. Oublie là. Non. Bon. Ah, elle m'a dit, mais c'est bien ce que tu fais, petit gars. D'où viens-tu, etc. On est devenus copains. J'ai chanté, tout comme j'avais chanté aussi du Nougaro. J'ai chanté, mais 15 chansons d'Aznavour. Je ramassais notamment les chansons dont les autres ne voulaient pas. Les amoureux de Péné, c'était pour Gréco. N'allez jamais à la vanne, c'était pour Dario Moreno, etc. Je me suis fait un répertoire avec les laissés pour compte. On est devenu amis et il a alimenté une grande partie de mon répertoire. Voilà. Donc comment j'ai connu ces gens. Après j'ai connu. Mais je ne connaissais pas Edith Piaf. Tu sais, je la connaissais une fois, elle est venue chez Paul Becher. Tout le monde était en effervescence. C'était la diva. La grande populaire. Diva, elle est entrée avec toute sa cour autour d'elle. J'ai même pas osé lui dire bonjour madame. Je ne me serais pas permis. Crime de l'aise majesté. Oui, c'est madame. Non, elle m'aurait peut-être pas envoyé promener. Mais il se trouve que. Alors là, on est en 50. Oui. 51, 52, 53, 56. Pour le programme de Piaf, parce qu'il y a le gars qui passait en supplément au programme a fait défection, et moi j'étais sur les rangs depuis déjà 2-3 ans, je ne passais pas à l'Olympia. On ne va pas entrer dans les détails non plus, parce que si j'entre trop dans les détails, vous êtes là demain matin. Oui. Surtout avec un bavard de mon espèce. Il n'y a aucun problème, moi ça me suit. Alors, donc, on me prend en supplément au programme. Et bon, je peux le dire immodestement, parce que vous allez voir la suite. Bien sûr que j'ai cassé la barre. Oui. J'ai cassé la tôle. Mais d'où il sort, celui-là? Parce que je ne faisais que du cabaret. Okay. Je ne faisais que du cabaret, parce que Bruno Cocatrice, qui était le deus ex machina de tout le métier, ouais, qui était le pape du musical, il avait dû m'entrepercevoir plus ou moins dans de mauvaises conditions, etc. Mais non, c'est un numéro de cabaret, ça ne marchera jamais au musical. Mais tu m'as vu au cabaret comme ça et comme ça. J'étais obligé de m'adapter. Quand les entraîneuses sont saoules et qu'il y a du bruit, machin, bon, il faut bien. Bref, je passe là et je casse la barre. Alors pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parce que je n'enregistrais toujours pas de disque. Ok. Rapidos, Polydor vient m'enregistrer live. Et à l'Olympia? À l'Olympia. Okay. Puisque j'ai été prolongé dans le programme de Piaf. À quelle année? 5 ans. En 56. Okay. Je passe en supplément au programme. 3 semaines. Piaf est prolongé de 15 jours. La révélation de l'année, ce que je ne serai plus jamais. La révélation de l'année, prolongée avec Piaf, mais là, en numéro. Et je finis deuxième vedette du spectacle de Piaf. Et qu'est-ce qui se déclenche là? Les cachets sont multipliés par 12 entre le mois de mai et le mois de septembre. C'est la notoriété. La notoriété, parce que tout d'un coup, les journaux, tout ça, le disque live devient le grand prix du disque avec un autre débutant qui s'appelait Serge Gainsbourg. Et avec Juliette Gréco. Là-dessus, donc j'enregistre pour la première fois Grand Prix du disque. Je signe un film avec Brigitte Bardot. Et mes lequel, cachets. Lequel? La mariée est trop belle. Ah, oui. Je signe. Et mes cachets multipliés par 12. Ah, j'ai toujours gardé, je m'amuse d'ailleurs le mettre de temps en temps dans mon programme. C'était des francs anciens. Oui. 8000 francs anciens. Hein, je ne sais pas combien ça fait en euros, pas grand-chose. Pianiste compris pour les médaillés militaires de Noyon. Et pour le mois de septembre, j'avais une tournée de 15 jours, 150 000 francs, 12 fois et demi plus. C'était le rêve éveillé. J'arrive chez mon impression, il me dit « Alors t'es content ?» Je lui dis « Mais attends, mais c'est le conte de fées !» Tant qu'il n'y a plus de soleil, sous lignes bleues et versant noir, buveur de bière, d'humeur sectaire, tout gâché, voilé la face. T'as plus de gens qui s'en sommeillent et qui pourtant aiment faire la foire. Homme de terre se disent ouverts, on les appelle premiers de la classe. Ils parlent beaucoup, ils parlent en mal. Ils te causent pas si tu causes pas. La langue d'ici, c'est pas normal. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Ow! Le long du fleuve, les raffineries, les grandes fabriques et la central. Le plat du jour des amphibies, poumons de l'ombre, nouveau forçat. On les range là sans alibi, dans un quart monde, dans un tiers-quart. Homme de terre, pas de soucis, le lien social, c'est un mirage. Il parle beaucoup, il parle en mal. Il te cause pas si tu causes pas. La langue ici, c'est pas normal. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Ça fait longtemps que je cherche le soleil. Au pied des Vosges, je bois du noir. Buveur de bière, je lève mon verre. À mon pays qu'aime faire la foire. Au géranium, à Ungerer, où je soir, ne gâche pas tout, homme de terre. Je te rappelle que le temps passe. Je te rappelle que le temps passe. Je te rappelle que le temps passe. Je te rappelle que le temps passe. Je te rappelle que le temps passe. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on to the other side. Break on through to the other side. Day to day, hour to hour, fading straight, deep C'est pas connu, ça, des garçons bestiaux. Non, c'est Bestie Boys, des Bestie Boys. Alors, Daniel Marcoux, je tiens à te dire que je vais peut-être un peu dépasser de quelques minutes. Je m'en excuse infiniment et je vais me frapper ici en direct. Aïe, non, OK. À chaque minute, je vais me frapper, OK? 1, 2, 3, 4, 5 minutes, je vais faire de plus. À mon émission Errance canadienne, à 2h05. Ça se reproduira plus. Je sais pas. Daniel Marcoux, c'est celui qui présente à vos oreilles cette Errance canadienne. C'est le grand Manitou de l'ordinateur. Il prend la structure de ce côté anarchiste et coéthique. Non, c'est co... c'est une coercition. Enfin, il prend cette émission-là avec la main qui peut bien utiliser. Il va dire, ouais, si je prends celle-là, ça va me gâcher la main pour ma journée. Si je prends l'autre, donc c'est dans sa tête. Et croyez-moi, Daniel Marcoux, c'est la discothèque de CKRL. Il sait à quel endroit se trouve... Tiens, attends un peu. Michel Fiori. OK? Harmonium. La chanson « 12 000 chemins ». Il va me dire, Renal. Oui. Renal, c'est Daniel Marcoux. Oui. Il n'y a pas de titre de ce chanteur-là et de ce groupe-là associé à. Ben voyons, non, Daniel, refais tes devoirs. Non, je les ai fait mes devoirs, mais non. C'est toi, mon petit champion. Ah, mon Daniel. Non, tu connais absolument rien. C'est vrai, Daniel. C'est moi le grand virtuose. C'est vrai. C'est moi qui connais tout. C'est vrai, Daniel. Et merci pour toi, à toi. Merci à toi. À toi. À la façon que tu es patient. Il est très patient parce que j'envoie des courriels à volonté, là, j'arrête pas. Je suis un insécure, moi. Et crois-tu que c'est parfait, Daniel? Daniel, il dit oui, Renald. Daniel, crois-tu que tu l'as reçu? Oui, Renald. Daniel, crois-tu que tu l'as entré dans l'ordinateur? Oui, Renald. Daniel, arrête. Merci, Daniel. Alors, je vais dépasser de 5 minutes, mais je vais déjà m'incliner devant cette improvisation-là. Incline. Attends un peu. Aïe, aïe, donc, je suis assez incliné comme ça. Très bien. Je continue l'introduction. Voici, OK. Alors, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit. On va vérifier tout ça. Ouais. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons ce soir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. C'est une phrase de Nabokov, qui a écrit le Dard, qui a aussi écrit Lolita. Et ce qu'il aurait voulu, lui, c'est que Lolita entre dans le Dard. Mais ça, c'est, il est trop tard pour se remémorer tout ça. Lire une pièce et voir une pièce reviennent finalement à vivre sa vie et à rêver de sa vie. Il a tout compris de la vie, lui-là, là. Lire une pièce et voir une pièce reviennent finalement à vivre sa vie et à rêver de sa vie. Ce que tu as dans la tête, là, en voyant la pièce, tu vas la réaliser en la voyant. Ta tête deviendra un projecteur. Ben voyons. Ben oui, un projecteur. Alors, si tu veux que tout soit beau, commence par entrer ça dans ta tête et tu verras au loin apparaître le beau. Ben, toi, non, moi, je suis pas très beau, là, mais je parle pas de moi, là, je parle de tes visions sublimées de l'existence. Commence à rentrer ça dans ta tête. Commence. Est-ce que je dois faire une sauvegarde ou je formate? Formate à partir de maintenant. OK, merci. Est-ce que je presse sur OK? Ouais, vas-y. OK, vous êtes le format? Est-ce qu'on a bien formaté? On peut commencer à rentrer les informations? Ben là, c'est nouveau, ça, là, hein? C'est du jamais vu? Allô? On nous a coupé? Non, c'est du jamais vu? OK. Là, ça fonctionne comment? C'est très simple, là. Dans mon cerveau, je visualise et je verrai quelques minutes après ou quelques heures. C'est des heures, hein? OK, je verrai ce que j'ai amené comme alimentation intellectuelle, c'est ça, hein? Hey, vous me dites ça avec une certaine une froideur, hein? Mais c'est extraordinaire, là, ce qui va se passer, là. C'est révolutionnaire, ça, là. Êtes-vous conscient que c'est révolutionnaire? Allez-vous vendre ça sur des sites Internet? On peut aller voir errancerenaldienne.blogspot.com. Ça fait peur. Avez-vous peur, vous? On dirait un non. Êtes-vous sûr qu'on est branché sur le formatage ou là? Monsieur? Êtes-vous un futuriste? Un imbécile? Un malade? Ben, bienvenue à Errance Renaldienne. Au revoir! Un de ces beaux jours, je sais que ça va être mon tour. Tour de tourner comme un prisonnier dans sa tour. Un de ces beaux jours, je vais fixer mon royaume. Je vais me clouer drette devant la galerie. Puis je vais beugler des psaumes. Des psaumes. Un de ces beaux jours, je sais que je vais me faire jouer un tour. Comme en amour, je vais me faire sanctifier dans le détour. Un de ces beaux jours, avec l'auréole en dôme. Ben crucifié sur ma galerie. À remeugler mes psaumes, clés mes psaumes. Un de ces beaux jours, je sais que je vais aller faire un tour. Je sais pas où, pas quand, pas court, pas contre, pas pour. Un de ces beaux jours, qu'un bon vieux blues embaume. Et ça sera autour de la galerie de me beugler des psaumes, clés des psaumes. vieux roi du pétrole en assise, c'est un rigolo à côté de moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ton pognon? Parce que j'avais un petit studio à Saint-Ouen, banlieue industrielle. Ouais, je connais. Industrieuse et industrielle. Ouais. Et à Saint-Ouen, qu'est-ce que tu fais? Je le mets dans un tiroir. Quoi? Tu es fou? Mais combien tu as? Je lui dis combien j'avais. Tu vas tout de suite. Allô, Madame Chevalier. Tu vas tout de suite aller voir Madame Chevalier, de ma part, à la BNP Gare du Nord, à la BNCI, c'était la BNCI encore. Et tu vas aller ouvrir un compte en banque. Oui. Et j'ai ouvert un compte en banque, et en face de la banque, il y avait un magasin de chaussures. Tiens, comme ici. Eh ben oui. Et je suis allé m'acheter une paire de chaussures, et j'ai fait mon premier chèque. Le premier chèque en 56. Pour une paire de pompes. En 56. Ah. Hey, et les années ont passé. Oui. Aujourd'hui, après 56, 60, vous êtes venu au Québec vers les années 62, 63. Oui, sans arrêt, j'y venais tous les ans. Pour faire des tournées ou pour rencontrer des amis? Mais non, pour chanter à la Comédie canadienne. Oui, oui. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, la Porte Saint-Jean. Tous ces gens, j'ai été merveilleusement accueilli. Je sais pas, je dois pas avoir les bonnes connexions parce que je sais pas, j'avais un grand plaisir justement comme je suis. Je retrouve ce que je retrouve un peu en Belgique, mais... Aviez-vous des amis des musiciens québécois, que Claude Léveillé, est-ce qui gravitait autour de votre... Non, moi j'ai toujours tout très copain avec Gilles Vigneault. Ok. J'y suis allé chez lui, on a été reçus. À Natasha Kwan? À Natasha Kwan? Non, je ne vais pas aller à Natasha Kwan, mais à côté de... Montréal? À côté de Montréal. Charlevoix? Oh, non, comment ça... ça me reviendra. Ok. Oui, j'aimais bien. Bon, j'espère le voir en... Mais bon, si je pouvais, avant de me retirer, si je pouvais revenir au Québec, c'est pas un appel du tout, parce que je sais pas où ça va. parce que je continue à chanter. Oui, là, c'est ça. Un retour à l'Alhambra. Exact. Le 25 novembre. 25 novembre. Et pour combien de... On va voir d'ailleurs, parce que c'est tout un, oui, c'est tout un programme qui est établi. Non, beaucoup de travail. Que Dieu me donne la force de l'avoir passé pour continuer. Oui, c'est ça, c'est beaucoup. Non, parce que j'ai une bonne forme, bon... Et je continue. Là, je rôde le spectacle en province. J'ai des nouvelles chansons. D'une heure et demie Une heure et demie, 2 heures. Okay. Ouais. Quand je fais 2 parties, c'est 1h15. Combien de musiciens? 4 musiciens. C'est quand même... Mais je suis à géométrie variable. Par exemple, là, j'ai fait quelque chose à Romorantin. Ils n'avaient pas de moyens suffisants. Okay. J'ai fait avec 2 musiciens. J'ai fait avec le pianiste. Et... Oui, mais quand les autres fois quand j'allais au Québec, oui, la dernière fois que je suis allé au Québec, j'y suis allé avec mon pianiste, parce que ça, c'était incontournable, et on a répété la veille des musiciens. Oui. Parce qu'autrement, s'il faut... Et puis, il y a les problèmes toujours avec les syndicats. Mmh. Moi, j'y vais souvent. Ils ont raison de se défendre, mmh. Hein, c'est problématique. Mais c'est un emploi précaire, musicien, c'est un emploi... Voilà, alors ils se défendent, ils ont raison. Les Français font pas pareil, ça, c'est leur affaire. Oui. Mais ils font pas pareil. Non, pas du tout. Vous pouvez venir avec un orchestre symphonique, personne ne dit rien. Ils défendent très mal leur profession. Mais s'ils veulent pas se syndiquer, c'est leur problème. C'est leur problème, oui. C'est pas le mien. C'est ça. Mais votre carrière s'est échelonnée quand même sur 50... 60 ans. 60 ans. Et oui, je chantais donc déjà à Bordeaux en 49, professionnellement. Et avez-vous vécu quelques moments un peu plus faibles? Ah oui. OK. Mais évidemment. Les années 80? Oui. Okay. Oui, très curieusement, alors que les gens qui étaient au pouvoir avaient toute ma bénédiction, très curieusement, je ne sais pas, bon, mais il ne faudrait pas entrer dans des détails qui deviendraient scabreux, mais je ne comprends pas. Il va frapper à la porte à Ougnahé, la bonne famille a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien me chauffer. Ah ben, des chauffes t'attends ben hardiment, mon mari t'aura plus de là. Y a des hommes de rien qui se chauffent et puis qui se chauffent. Y a des hommes de rien qui se chauffent et ça va rien. Y a des hommes de rien qui se chauffent et puis qui chauffent. Y a des hommes de rien qui se chauffent et ça va rien. Après qu'il s'est eu chauffé à Ougnahé, la bonne famille a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien manger. Ah ben, des manges dans ben hardiment, mon mari est au rapide là. Y a des hommes de rien qui mangent et puis qui mangent. Y a des hommes de rien qui mangent et ça fait rien. Y a des hommes de rien qui mangent et puis qui mangent. Y a des hommes de rien qui mangent et ça fait rien. Après qu'il l'a eu mangé à Ougnahé, à Ougnahé. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien me coucher. Ah ben, dire que c'est dans Bernardima, mon mari est rapide là. Il y a des hommes de rien qui se couchent, qui se couchent. Il y a des hommes de rien qui se couchent et ça pas rien. Il y a des hommes de rien qui se couchent, qui se couchent. Il y a des hommes de rien qui se couchent et ça pas rien. Après qu'il s'est eu couché à Ougnahé, à Ougnahé. La bonne famille a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien vous embrasser. Ah ben, dis embrasse-moi donc, Bernardima, mon mari est rapide là. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et ça va rien. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et ça va rien. Après qu'il lui a embrassé à Ougnahé, à Ougnahé. La bonne femme a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien m'en aller. Ah ben, des foutons comme un ardima, mon mari tout rapide là. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont et qui font rien. Il y a des hommes de rien qui s'en vont et qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont et qui font rien. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.